Tellement de larmes ont coulé que l'amour s'est noyé dans la flotte. Nos vies sont remplies de fausses notes. On apprécie ce que les gens nous apportent, mais quand les mêmes viennent nous demander de l'aide, eh bien on leur ferme la porte. Agir en faisant abstraction de sa conscience, on ne peut croire aux valeurs dans lesquelles on avait confiance. Je sais que le Seigneur est ma force, et ça me fait mal de voir que certains doutent encore de son existence. C'est vrai, on n'a pas la même vision des choses, mais si tu te reconnais dans ce que je dis, c'est qu'on est semblable. Car à travers ces lignes, c'est mes pensées que je transpose. Quand je vois ce que le monde nous propose, je me dis que c'est normal que certains explosent ou implosent. Malheureusement, leur vérité est basée sur le mensonge, car en fait leur liberté n'est qu'un vulgaire songe. Tant bien que mal, ces mots définissent espèce humaine. Livré à soi-même, on se démène afin de briser nos chaînes. Sur cette terre, il y a tellement de choses pour lesquelles nous ne sommes pas maîtres. Je suis bien et mal quand j'écris ce texte, et on essaie tant bien que mal à garder le moral, même si la vie est faite de déceptions. Positif et négatif, comme un signe à sinusoïdal, on est tous pareils sans exception. Et si je t'ai blessé, et si je t'ai déjà fait du tort, j'espère que tu pourras me pardonner avant ma mort. Des fois, on dit des choses sans réfléchir, et d'autres fois, on garde pour soi ce que l'on voudrait dire. En nous, le mal et le bien sont proportionnels. C'est pour ça que l'homme ne sera jamais rationnel. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Pourquoi refuser de pardonner alors que nos erreurs, on aimerait tellement qu'elles s'effacent, on préfère se voiler la face. Prends un peu de recul sur toi-même et tu verras que dans nos vies, l'amour n'a plus sa place, on a perdu l'envie d'aimer. Nos cœurs sont marqués par des blessures que même le temps ne saurait effacer. Donc je remercie du fond du cœur ceux qui m'ont remis sur la bonne route dans mes moments de doute. Je garde le même cap, mais te fie pas à ce que je te dis. Je ne suis qu'un homme et par conséquent la vérité m'échappe. D'après les dires de certains, ce que j'écris est éloquent. La musique moyen par lequel je touche les gens à bout portant. C'est pas ta force qui va déterminer ta réussite, mais c'est plutôt ce qui la suscite. Mon existence a pris un virage quand je me suis rendu compte que les valeurs de ce monde ne sont en fait que des mirages. J'avance en essayant de ne pas faire naufrage. C'est l'amour qui m'a servi de point de patinage. Et si tu perçois l'amertume que je partage, c'est parce qu'ici-bas il y a uniquement que de la haine et de la rage. Mais comme je te l'ai dit précédemment, nous ne sommes que des hommes, donc la vérité nous échappe. Par conséquent, d'après les dires de certains, ce que j'écris est éloquent. La musique moyen par lequel je touche les gens à bout portant. C'est pas ta force qui va déterminer ta réussite, mais c'est plutôt ce qui la suscite. Tant bien que mal, ces mots définissent espèce humaine. Livré à soi-même, on se démène afin de briser nos chaînes. Sur cette terre, il y a tellement de choses pour lesquelles nous ne sommes pas maîtres. Je suis bien et mal quand j'écris ce texte, et on essaye tant bien que mal à garder le moral, même si la vie est faite de déceptions. Positif et négatif, comme un signe à sinusoïdal, on est tous pareils sans exception. Tant bien que mal, ces mots définissent espèce humaine. Livré à soi-même, on se démène afin de briser nos chaînes. Sur cette terre, il y a tellement de choses pour lesquelles nous ne sommes pas maîtres. Je suis bien et mal quand j'écris ce texte, et on essaye tant bien que mal à garder le moral, même si la vie est faite de déceptions. Positif et négatif, comme un signe à sinusoïdal, on est tous pareils sans exception.